Il y a 9 à 10 moutons dans mon village en haut, il y a 9 à 10 moutons dans mon village en bas. Il y a 9 à 10 moutons dans son village en haut, il y a 9 à 10 moutons dans son village en bas. Dans mon village en haut, dans son village en bas. Changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Mais changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Il y a 8 à 9 moutons dans mon village en haut, il y a 8 à 9 moutons dans mon village en bas. Il y a 8 à 9 moutons dans son village en haut, il y a 8 à 9 moutons dans son village en bas. Dans mon village en haut, dans son village en bas. Changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Il y a 5 à 6 moutons dans mon village en haut, il y a 5 à 6 moutons dans mon village en bas. Il y a 5 à 6 moutons dans son village en haut, il y a 5 à 6 moutons dans son village en bas. Dans mon village en haut, son village en bas. Changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Et changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Il y a 4 à 5 moutons dans mon village en haut, il y a 4 à 5 moutons dans mon village en bas. Il y a 4 à 5 moutons dans son village en haut, il y a 4 à 5 moutons dans son village en bas. Dans mon village en haut, dans son village en bas. Changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Et changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Moutons dans mon village en haut, il y a 2 à 3 moutons dans mon village en bas. Il y a 2 à 3 moutons dans son village en haut, il y a 2 à 3 moutons dans son village en bas. Dans mon village en haut, son village en bas. Et changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Et changerais-tu Madeleine, Madeleine, changerais-tu Madeleine d'Ortu? Il y a 1 à 2 moutons dans mon village en haut, il y a 1 à 2 moutons dans mon village en bas. Il y a 1 à 2 moutons dans son village en haut. Il y a 1 à 2 moutons dans son village en bas. Dans mon village en haut, dans son village en bas. Et changeras-tu Madeleine, Madeleine, changeras-tu Madeleine d'Ortu? Changerais-tu Madeleine, Madeleine, changerais-tu Madeleine d'Ortu?